بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا اليوم قراءة هذه الرسالة المفيدة النافعة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. Comment أو les moyens bénéfiques للحياة السعيدة pour avoir une vie heureuse. للإمام الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 1. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا اليوم قراءة هذه الرسالة المفيدة النافعة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، أي الوسائل المفيدة كما أو لموين بنفيك للحياة السعيدة pour avoir une vie heureuse. للإمام الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه صاحب التفسير. رسالة نافعة على مختصرة، عبارة عن فوائد دي بوان كي سيت pour avoir une vie heureuse, التوكل التوحيد العقيدة الصحيحة لا آخره. يتعلمون أن نظرير لمقدمة الشيخ سعدي رحمة الله عليه أن le but de chacun c'est d'avoir une vie heureuse. المسلم يبي une vie heureuse في الدنيا وفي الآخرة، أما الكافر المجرب il pense que الدنيا، لكن في الدنيا lui aussi يبي une vie heureuse. لا أحد يبي se faire du mal أبدا، عاقل il ne veut pas se faire de mal, il ne veut pas faire de mal à ses enfants, il ne veut pas faire de mal à ses proches, il veut avoir une vie sans problème. Lakin hada, ça a des causes. Ta'alamoun anna, chaque chose a des causes. Cheikh Sa'di rahmatullah alayhi l'an, cette mas'ala muhimma, avoir une vie heureuse, il va te montrer les asbab, asbab shar'iyya, des causes qui sont citées dans le Coran ou dans le Sunnah. Inch'Allah, le muslim, s'il s'accroche à ces causes, bi'idni la azawajal, il aura une vie heureuse fi dunya ou fi l'akhirah. حقيقة سجون دراسة إلزم من أهم ما يكون، خاصة dans ce zaman de fitan. كم من الناس sont في قلق، sont في ضيق، dans des شبه. بعض الناس من المسلمين والعياذ بالله désespèrent. Ils ont سوء الظن. بعض الناس ont des وساوس. Ils pensent que tout le monde lui en veut. Ils pensent des choses. Il se fait du mal فقط. Il aurait étudié ce genre de دراسة et il approfondit ses études dans l'aqida, dans le tawhid. سيرتاح. سيرتاح لأن toute l'âme qu'on va voir c'est lié au cœur. Si ton cœur il est murtah, tu vas retah. Si ton cœur il est malade, il y a des choubah, qalaq, dhiq, tu te feras du mal. Walaw t'as de l'argent, walaw t'as du temps, walaw ça t'atab. Al-an, cette risala fil haqiqa, Cheikh Sa'di rahmatullah alayhi va te montrer comment nettoyer ce cœur, comment préserver ce cœur, comment hafid ala hada al-qalb. C'est ça le but de cette risala. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. قال في المقدمة، ما الشيخ سعدي معروف، يعني معروف جدا من علماء المملكة العربية السعودية، إذا ما غيّا كالكزاني رحمة الله عليه، سأل الشيخ الشيخ بن عثيمين رحمه الله، فسأل إمام في السنة رحمة الله عليه. Et parmi ses ouvrages les plus connus, التفسير، il est نافع جدا. C'est un تفسير مختصر، et pour les débutants il est نافع جدا. Et cette risala, elle fait partie de ses ouvrages. قال رحمة الله عليه الحمد لله الذي له الحمد كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن راحة القلوب أو راحة القلب وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد. هي كما أصبح هذا. Il te cite l'un, pourquoi il écrit cette risala. Pourquoi il écrit cette risala? فَإِنَّ رَاحَةَ الْقَلْبِ الرَّاحَ مَعْرُوفَ Il a la quiétude, la tranquillité. وَسُرُورَ السُرُور c'est le contraire de l'huzn. Surur c'est être heureux. وَزَوَالَ هُمُومِ الْهُمُومِ c'est les problèmes. وَغُمُومِ ça ressemble. Problèmes, les machakils, les dhiqs. الآن chaque insan, il recherche le bonheur et il veut s'écarter des problèmes, des malheurs. قَالَ هُوَ الْمَطْلَبْ لِكُلِّ أَحَدْ قَالَ وَبِهِ تَحْصُلَ الْحَيَاةَ الطَّيِّبَةَ نعم حياة طيبة sans problème avec الراحة. لكن nous, on va voir, le Cheikh Saadi va expliquer c'est quoi الراحة. الراحة c'est l'iman, c'est le tawhid, c'est le dhikr. C'est pas الراحة, الشهوات الدنيوية, l'argent. Là, c'est pas ça, abadan. Abadan. Un, il va montrer, et c'est pour ça que la Risala, elle est là, il va montrer c'est quoi une vie heureuse, كذلك. بعض الناس, ils ont une image d'une vie heureuse. في الحقيقة, c'est un تعب, un ضيق. Il veut manger, dormir et avoir de l'argent. فقط. Là, ce n'est pas ça la vie heureuse. La vie heureuse, c'est awwalan, comme ça y est, c'est que tu appliques pourquoi, le pourquoi que Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Si tu appliques hadha, bi'idnillah, tu es heureux. Amma wahid, le but de sa création, c'est qu'il adore Allah. Il n'adore pas Allah. Là, c'est un shaqi, fi dunya wa fi l'akhir. Qala, wa bihi tahsul al hayatu tayyiba. ويتم السرور والابتهاج ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية. Trois genres d'asbab. Dinia, pour avoir cette vie heureuse. L'ibtihaj, tu peux traduire par s'épanouir. La tranquillité, la quiétude. Il y a des asbab dinia. On va voir, il y a des causes religieuses. La plus grande cause, c'est l'aqida al-sahiha al-tawhid, al-iman. كذلك, il y a des asbab tabi'iyya. Ay, des choses tabi'i. Pour être heureux. Il va en citer. قال وعملية كذلك il y a des أعمال كالذكر العمل الصالح ce que t'aimes bien pour toi tu l'aimes pour ton frère musulman تحسن إلى الخلق. Tout ça tu vas voir c'est des أسباب inshallah tu auras une vie heureuse. قال ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين. نعم Cheikh Saadi الآن il te montre أن la vie heureuse c'est pour le مؤمن أما الكافر أبدا والله il est في ضيق وفي وفي ضنك كما قال عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى. Celui qui s'écarte du dhikr, et de l'iman, de tawhid, de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala il a montré automatiquement il aura une vie de ضيق et de تعب. فلهذا قال الشيخ سعدي إلا للمؤمنين فلا تغترخ الكريم بالكافرين. Ne crois pas qu'ils sont heureux avec الأموال والأولاد. Les maisons qu'ils ont, la sa'a qu'ils ont fait, le risque à dunyawi, Wallah, ils sont fi ta'ab. Wala adabu l'akhirati akbar. Law kanu ya'lamoun. Lakin, anta, tu dois bien savoir, anna, être heureux l'an, ça va obligatoirement avec l'iman, le din, l'islam. Celui qui n'a pas ce sabab, azim, il ne sera pas heureux, abadan, même s'il te fait croire. Comme min al-kafirin, kama ta'lamoun, ils ont argent, femmes, enfants. Il tombe pas malade. Tu le vois en apparence, il est fi ni'ma. T'entends du jour au lendemain, il s'est suicidé. Alors il est détruit. Shaitan, yal'ab ma'a. Shaitan, les problèmes. Wallahi, ba'doum, ils ont un mois, ils ont tout ce qu'il faut. Il n'arrive pas à dormir. Là, il lui manque cette chose, l'iman. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Ce kafir, c'est un bachar. C'est un être humain. C'est un khalq min makhlouqat illa azza wa jal. Si il n'applique pas hada. Et cette cause pour être heureux, il ne sera jamais heureux. Abadan. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. الضنك c'est الضيق, c'est التعب. تأمل قول الله عز وجل, il a dit وَمَنْ. من c'est من الفضل عموم. Quiconque, il s'écarte de din, il aura une vie malheureuse. Qui qu'il soit. قال وَأَمَّا مَنْ سُوَاهُمْ فَإِنَّهَا وَإِنْ حَصَلَتْ لَهُمْ مِنْ وَجْهِ وَسَبَبْ يُجَاهِدْ عقلاؤهم عليه. نعم. وأما من سواهم فإنها وإن حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاؤهم عليه. أي il te montre même si dans certains points en apparence ce kafir عقلاؤهم certains d'entre eux ils font tout pour être heureux là chaque. Et en fait tu vois dans certains points il a l'air heureux, femme, enfant, il a de l'argent, tu le vois, il a le sourire. قال ولو هذا قال فاتتهم من وجوه أنفع وأثبت وأحسن حالا ومآلا. Même si dans certains points, maintenant niveau santé, niveau femme, niveau enfant, il a une maison, même tu le vois, il s'en est sorti dans ces points, ça sera jamais comme le mu'min. Et fait l'haqiqa, c'est une chose temporaire. قل متاع الدنيا قليل. L'haqiqa, c'est une chose temporaire. Là où il est heureux une heure, tu trouveras il est malheureux pendant des heures. Il est heureux une semaine, des mois yatab. Il est heureux au départ de sa vie, ثم il est في الضيق, il meurt على الكفر. ولو تقدر, il est heureux في الدنيا في الآخرة, il sera على, il est في النار. S'il meurt على الكفر, il est في النار. قال ولكني سأذكر برسالة هذه ما يحضرني من الأسباب لهذا المطلب الأعلى. الآن إذا سيتي لكوز لكوز pour avoir une vie heureuse. قال الذي يسعى له كل أحد. الحقيقة إلى شوازي un thème طيب جدا ce thème الآن, لأن chaque personne كافر أو مؤمن il espère avoir une vie heureuse. الشيخ سعدي il a réfléchi et il s'est dit رحمته الله عليه, je veux rassembler dans une risala les causes. Là, tout le monde veut cette chose, être heureux. Je veux rassembler dans une risala les causes. Celui qui veut une vie heureuse, il applique ses causes. حقيقة c'est un thème طيب. Ibn al-Qayyim رحمته الله عليه il a traité ce thème dans on avait la kalima qu'on avait fait avec les causes pour avoir rahat al-qalb. حقيقة ça ressemble à هذا. فالعلماء يعتنون بهذا. Et في القرآن الكريم كلام الله عز وجل les versets ils démontrent هذا كثيرا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. لكن الشيخ سعدي الآن il va rassembler les adillah, il va les expliquer avec un كلام سهل. قال فمنهم من أصاب كثيرا منها فعاش عيشة هنيئة نعم وحي حياة طيبة ومنهم من أفق فيها كلها فغاض عيشه الشقاء وحي حياة التعساء نعم وحي حياة التعساء أو التعساء ينظر الضبط حياة تعسة أي تعب تغصم له التعب فستموت خلنا كذلك المؤمن شو بتخوف دي مؤمنون ils ont un iman qawi, ils ont du ilm, amal salih, sunnah, ila akhir, il aura une vie heureuse. Jiddan. Tu trouves certains, à cause de leur péché, à cause de le bid'ah, il se fera du mal par rapport à cet égarement. Ou hakada. Hatta al-mu'minun ne sont pas au même niveau. Fa anta hris, akhi, d'être heureux fi dunya ou l'akhirah, wa hris ala abdarajat al-ula. Essaye de faire des efforts, hatta t'es dans les hauts niveaux. Fi dunya, t'es dans les hauts niveaux, fi l'ilm, wa l'iman, wa l'salah, et fi l'akhirah, les. الدرجات العلى الفردوس قال ومنهم من هو بين صحيح بعضهم لا تعلمون أن الإيمان يزيد وينقص des fois t'es heureux des fois tu t'es fait du mal des fois المؤمن هكذا يجاهد نفسه سدد وقارب قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن إلي هكذا un jour heureux un jour ربما t'as fait une chose لكن أنت avec cette رسالة tu connaîtras les causes مثلا tu vas savoir que une chose qui rend heureuse c'est الطاعة T'as glissé, qadar Allah, t'as fait un dhamm. Fait un dhiq. C'est une des causes. T'es plus heureux maintenant ce jour, cette semaine, ce mois. Anta, tu sais, tu fais tawbah. Tu fais tawbah et tu reviens. Et inshallah, azzawajal, ton iman il remonte et t'es à l'akhir. Hakada al-mu'min. Qala, bihasab ma wuffiqa lah. Wallahu al-muwaffiq wal-musta'an bihi ala kulli khayr wa ala daf'a kulli shar. Il finit cette muqaddima nafi'ah. C'est quelques lignes. Il te montre anna. المُوفق من وفقه الله. celui qui aura une vie heureuse, c'est celui qu'Allah يوفق. ce qui va te citer الآن, c'est des أسباب فقط. أسباب نافعة. les أسباب sont fondées sur le kitab et la sunna. لكن من أعظم الأسباب تستفيد الآن, c'est que tu reviens Allah et tu fais le dua. c'est pour ça qu'il a fini المقدمة avec le dua. والله الموفق والمستعان. أي التوفيق ça vient d'Allah. المستعان أي tu demandes l'aide à Allah. tu veux cette vie heureuse, demande à Allah. Parmi tes deux, في السجود, في قيام الليل, في الصيام, si tu as subi une injustice, tu demandes à Allah qu'il te donne une vie heureuse في الدنيا والآخرة. هناك دعاء, il y a un دعاء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في الدنيا حسنة, une vie heureuse, وفي الآخرة حسنة, une vie heureuse في الآخرة وقنا عذاب النار. Et préserve-nous de النار, du feu. هذا c'est un دعاء طيب. الإنسان يكثر منه. ويتوكل على الله يسك الأمور بيد الله له الخلق والأمر عز وجل إليه تجي سأسباب تسا الجهاد الآن تسا سنسا جهاد عظيم تجاهد نفسك في الدنيا pour avoir une vie heureuse pour rapport à الشريعة pour rapport au الدين تسا الآن لذلك فليتنافس المتنافسون إلى ستة premier فصل قال فصل أعظم الأسباب وأصلها وأسها ça vient de الأساس وأسها أعظم الأسباب وأصلها وأسها الأصل والأس أي الأصول والأساس c'est pluriel c'est un mot qui se ressemble قال هو الإيمان والعمل الصالح أعظم الأسباب أي la base de tous ces أسباب et le fondement de tous ces أسباب c'est الإيمان والعمل الصالح ça c'est l'explication de الشهادتين الإيمان أي تؤمن بالله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته العمل الصالح تشبه النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هذا سمعنا لا إله إلا الله محمد رسول الله celui qui veut une vie heureuse et حقق les deux shahadat الشهادتين il aura une vie heureuse il va adorer Allah seul عز وجل il aura إيمان بالله قوي et il va suivre le prophète صلى الله عليه وسلم عمل صالح قال وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأسها والإيمان والعمل الصالح قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إلى كم سبق فيرسس الأصل في هذا الباب من عمل صالحا من ذكر أو أنثى سكون سلم كل من أم فم أغاب نو أغاب نوار بلون هذا سكونسيرن كل من celui qui il applique هذا العمل الصالح العمل الصالح on a déjà expliqué pour qu'un amal soit accepté deux conditions الإخلاص إنما الأعمال بالنيات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين deuxième شرط المتابعة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله كذلك حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ستا عمل صالح il contredit سنة النبي صلى الله عليه وسلم الآن celui qui applique هذا العمل الصالح أي سام واحد أي سام سني قال عز وجل فلنحيينه حياة طيبة il aura une vie طيبة une vie heureuse ولنزينهم أجرهم حياة طيبة أي في الدنيا ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أي في الآخرة الآن ce verset te montre les causes pour être heureux في الدنيا وفي الأخرى العمل الصالح قال فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح نعم لأن قال من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن لابد من الإيمان لابد من الإيمان أما الكافر ولو إذا عمل أنا بغى الصالح مثلا il aide un pauvre il donne à manger aux pauvres il aide un orphelin il construit un hôpital il creuse un puits tout c'est des amal salih en apparence ça lui est aucune faïda lianahu c'est pas un mu'min Allah subhanahu wa ta'ala il a cité la condition wa huwa mu'min cette condition ton amal salih il a accepté t'es pas un mu'min l'amal il n'est pas accepté abadan fil akhira ça lui sert à rien comme قال عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يوم القيامة tous les amal du kafir Il a construit des hôpitaux, il a aidé des pauvres, il a été bien avec ses parents, il ne mentait pas, il avait un bon comportement. Tout ça, فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْتُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah subhanahu wa ta'ala, il ne lui accepte rien. لماذا لأنه لي manque هذا وهو مؤمن Un kafir. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَا يَحْوَطَنَّ عَمَلُكُ Son kufr, son shirk, il lui annule toutes ses œuvres. Voilà où il veut faire du khir. Il y a des kuffars, ils essayent de faire du khir en apparence. Kathir ben Ouf, l'haqiqa, ils veulent des masalih. Ils veulent se montrer, ou il a un gain, il construit un hôpital, c'est pour gagner. Lakin, ba'duhum, rubbama, il veut vraiment faire du khir. Lakin, ma wuffiq, c'est un kafir, c'est un mushrik. Qala, wa sababu dhalik wadih. أو قبل ذلك فأخبر الله تعالى فأخبر تعالى وعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار قوله فلنحيينه حياة طيبة أي في الدنيا قال وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار قال ولنزينهم أجرهم أي في الدنيا وفي الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون الله يتريكمبونس في الدنيا يتفاسيليت ومن يتق الله يجعل له مخرجا أي يوم القيامة كما قال عز وجل إن للمتقين مفازا فوز عظيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الفوز العظيم في الجنة قال وسبب ذلك واضح الآن سيكوا لا كوز أليسيتي دون الفيرسي من عمل عملا صالحا سنكوز قال من ذكر أو أنثى وهو مؤمن الأصل وهو مؤمن سسالة لسبب عظيم لا فلاح إلا بالتوحيد لا فلاح إلا بالإيمان لا فوز إلا بالسنة والاتباع celui qui s'écarte de ces deux choses عمل الصالح والإيمان إلى في شقاوة قال وسبب ذلك واضح فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح هذا vous avez remarqué il a précisé الإيمان الصحيح النصارى مثلا يفخطوا هذا حتى الكفار الضلال قاتلهم الله يفخطان أنهم ils ont une religion monothéiste comme toi أو ils s'appellent des croyants comme toi t'es un croyant on est des croyants là قال فإن المؤمن بالله الإيمان الصحيح لا بد إيمان سواء إيمان صحيح أما الإيمان تكوى الله مثل النصارى النصارى يكوى الله ثم يديك الله إلى فس هذا سمجرم سمشرك لا بد إيمان بالله لا بد إيمان صحيح أي سقط صحيح إلا أن يؤمن أن محمدا رسول الله لا بد واحد يكوى الله يفي باتشر يكوى بروفيت محمد لا بد إيمان كذلك يدوى كوى ملائكة أولي يوم القيامة القدر أكال إيمان سل C'est ça l'Iman al-Sahih. L'Iman al-Sahih, l'an, c'est les six fondements de l'Iman. L'Iman bi-Allah, comme a dit l'Allah sallam, an tu'mina bi-Allah, wa malaikati, wa kutubihi, wa rusulihi, wa l'yawm al-akhir, wa al-qadr khayrihi, wa sharrihi. Celui qui renie un de ses rukns, il n'a pas d'Iman, c'est un kafir bi-Allah. L'Iman al-An, il a des fondements. L'Iman, c'est pas... Dans le kuffar, maintenant, l'An, كأنهم يشوازيش سو كيلو يدي فو فوزيت دي كرويون اي دي كرويون اي توس دي كرويون حتى بعض الضلال يسون فابور يزابلا وحدة الاتيان هذا الإيمان يا إيمان صحيح يا إيمان باطل فالنصارى واليهود تسولا سدي كفر ولو يبخيطان سدي مؤمنين سدي كرويون يزون الرليجيون مونوتيس سدي مشركين سدي كفار قال وسبب ذلك واضح فإن المؤمنين بالله الإيمان صحيح هذاك سو شر قال المثمر للعمل الصالح هذا المثمر سابين ذو الثمرة سو إيمان صحيح كفوندي سو أركان الإيمان ست إيفا تدوني دي فخوي ساسوغ العمل الصالح إكخوان الله عز وجل إكخوان الأسماء والصفات شو لو تخبغا إلغا سابين إلغا شانجي إسيك الله إلغا بوا إلغا سيكارتي دو حرام إسيك الله إلغا نطن إلغا دير دي شوز طيبة إسيك يغدغا دي كونت الله يوم القيامة الإيمان بيوم القيامة إلغا سرمت خانكوز إسيك Il y a des malaïkas qui écrivent tout ce qu'il dit. Il fait attention. Il sait qu'il a un rasoul, il le suit. Il sait que tout est bil-qadr. Il lui arrive quelque chose, il patiente. C'est ça l'iman. C'est ça les fruits de l'iman. On les avait vus, walillah alham. Ça marat l'iman dès qu'on faisait l'aqidah. On avait fait marra l'iman billah ou l'malaïka. Ma nasit ayn, l'ouastiya ou autre. Europa, charh l'arba'in. Charh l'arba'in, on avait cité hada kadali. On avait cité qu'il y a des thamarat, azima. هذا سوء إيمان صحيح الآن إلى دي فخوي قال المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة الآن تسي سيكوا لكوز دنيا وآخرة ton cœur ta langue tes membres ton comportement c'est lié à cette عقيدة ça te montre l'importance d'étudier le معتقد الصحيح الآن تسي كيا عقيدة صحيحة c'est عقيدة السلف القرآن السنة على فهم السلف تسي كيا دي عقائد باطلة عقائد النصارى واليهود والروافض والجهمية أنت الآن tu dois faire attention tu vis dans un zaman de fitan بعض الإخوة صلى الله عليه وسلم الجميع مثلا il vit avec النصارى t'es pas l'abri t'es obligé de connaître la عقيدة tu dois connaître ta عقيدة et tu fais attention et tu fais tout pour t'écarter d'eux أو avec اليهود أو avec الروافض أو avec الجهمية أو tout cela t'es obligé de connaître ton din t'es obligé ربما tu, dans la rue tu vas te mélanger à tes gens ربما تجارة ربما chaque personne il essaie d'appeler à son fikr Rafid il appelle à son fikr Jahmi il appelle à son fikr Al-Nasrani il appelle à son fikr tu dois faire attention tu dois connaître ton din hatta tu préserves ce cœur la base pour être heureux c'est ce cœur si tu ne fais pas attention rubbama tanharif tu perds cette ni'ma sallallahu alayhi wa sallam qala wa dunya wal akhirah ma'ahum usul wa usus يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان صحيح تسو ميزان سكر الآن يدو يتفوضي شخص معتقد الصحيح عقيدة السلف كما قال عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ستنمم عقيدة الرسل وأصحاب رسول الله وأئمة السنة ستطرقة الهداية Et si tu es guidé, bi'idnillah, tu seras heureux. Qala, yatalaqawna al-mahab wal-masar bi-qaboulin laha wa shukrun alayha wa isti'malu laha fima yanfa' fa'idha isti'amaluha ala hadha al-wajh ahdata lahum min al-ibtihaj biha wa tam' fi baqaiha wa barakatiha wa raja'i thawab al-shakirin umuran azimah تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات التي هي ثمراتها نعم يتمتخ الآن أن هذه الشوز ست في يغوز على دي كوز يعني الشماء أمخانتي سي تسوي سي شماء تابليك سي كوز بإذن الله pour rapport à ton application ton إيمان يمتخف plus plus ton iman il monte, plus t'es heureux. T'as cette vie de ce que là maintenant, ce cœur, il faut faire attention. Ma balo, quand t'as ta maison, ton bait, tu fais tout pour qu'il n'y ait pas une chose rare qui rentre. Matalan, tu laisseras, tu feras tout pour qu'un animal dangereux ne rentre pas chez toi. Ma balo, qu'un animal dangereux rentre chez toi. Toi, t'es en danger, tes enfants, ils sont en danger. T'es bien, Kadal, et qu'ils sont en danger. Aounar, matalan, tu feras tout pour pas qu'il y ait un feu chez toi. Le feu, il va rien laisser. Ou un virus, ou hatta kalam. Une personne qui parle mal, Obama, tu ne le feras pas entrer chez toi. Takhaf ala ahlik, ala awladik, un safi. Ça, c'est bait. C'est une maison. Hada al-qalb, c'est un bait. Si tu ne fais pas attention à des choses qui font du mal et rentrent dans ce qalb, tu feras du mal à toi et à ton entourage et tu n'auras pas une vie heureuse. Abadan. Antabi hada al-qalb. Antabi hada al-qalb. Il y a des shubah. Il y a des afkar. Il y a des wasawis. Si tu ne fais pas attention, Ibn Qayyim rahmatullah alayh, il a comparé ce cœur à une éponge. Ibn Qayyim, il fait souvent à la monde des comparaisons. Dans un de ses livres, il compare le cœur à une éponge. Le cœur, il absorbe tout. Si tu ne fais pas attention, tu as une éponge, tu as un récipient propre, tu as de l'eau propre. Tu mets cette éponge dans l'eau propre, l'éponge, elle va tout aspirer. Ou tu mets cette éponge dans du miel, elle va aspirer l'éponge. Ou dans du lait, ou... Ah, qu'est-ce le cœur? S'il y a des choses taillées, il prend. Tu mets cette éponge dans de l'eau sale. Hein. Najasa. L'éponge, ma toubali, elle absorbe. Un liquide, elle absorbe. Elle ne fait pas de différence. Le cœur, c'est hakada. Si tu ne fais pas attention, il absorbera. Faliyad al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré al-ma'asi ou al-mukhalafat, ça met des points noirs dans le cœur. Ibn Qayyim, il a fait comparaison avec l'éponge. Là, hein. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré, hatta ce cœur, il devient noir, il n'accepte plus rien. Il n'accepte plus khalas, haq, il n'accepte plus. Il est noir, il est devenu qas, il est devenu dur. Il rejette le haq. Il a un qalb qui est préservé, il est blanc. Il accepte le khayr et il s'écarte du char. Et ce cœur blanc, là, c'est la cause que tu es heureux. Le cœur blanc, tu auras une personne heureuse. Un cœur noir, tu auras une personne fi dhiq wa ta'ab. Allah subhanahu wa ta'ala. الثبات للجميع وأن يوفقنا لتحقيق هذه الوسائل إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين مع تحية دماج أفاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين